بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc la semaine passée, on avait expliqué les choses qui sont interdites à faire en ce qui concerne les visites des tombes, de construire quoi que ce soit sur les tombeaux, et puis d'aller faire des pèlerinages ou aller demander quoi que ce soit aux tombes, aux gens qui sont enterrés dans les tombes, que ce soit des saints ou des prophètes ou quiconque. Et là, il y a un frère qui avait posé la question à propos de la visite des tombes et des cimetières. Qu'est-ce qui est permis dans ça, puisque on a le droit dans l'islam, en le salam, en le c'est recommandé d'aller visiter les cimetières pour prier pour ceux qui sont morts, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de les pardonner, et puis pour se rappeler de la mort. Donc dans ces cas-là, c'est permis. Mais tout ce qui est de visite des tombes dans le but d'adorer les gens qui sont enterrés dans les cimetières, de leur demander quoi que ce soit, comme des choses qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, donc ça rentre dans les formes d'idolâtrie ou de shirk qui sont interdites dans l'islam et qui représentent du point de vue islamique une forme d'adoration qui fait sortir ces personnes-là des limites de la religion islamique. Ça veut dire si quelqu'un demande à un être vivant ou à un être mort des choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de donner, alors ces gens-là tombent dans l'idolâtrie et ils sortent de l'islam. Par exemple, on sait que dans certains pays musulmans, il y a des gens qui vont voir les soi-disant saints sur lesquels on a bâti des dômes sur leur tombe et ils vont leur demander de leur donner un, par exemple, ils vont dire, de leur demander la guérison s'ils sont malades, de leur demander d'avoir une progéniture s'ils sont, par exemple, stériles, de leur demander, par exemple, un emploi, un bon travail, ou des bons résultats à l'école, ou des choses comme ça. Et de demander des choses de ce genre à une personne qui est morte, c'est quelque chose qui rentre dans l'idolâtrie. Parce que ces gens-là n'ont aucun pouvoir de nous nuire ou de nous profiter. Et il n'y a aucune différence entre faire ça et demander à une statue qu'on a construite avec nos mains et qu'on met devant nous et qu'on adore, comme qu'est-ce que les idolâtres font. Alors, c'est pour ça que ces gens-là ont été séduits par le shaitan pour tomber dans cette forme d'idolâtrie. Mais qu'est-ce qui est permis de faire pour un musulman quand on va visiter un cimetière? Eh bien, ça a été expliqué et clarifié par les savants de l'islam. Et j'ai trouvé un passage dans des livres qui explique ça, et je vais en lire avec vous quelques passages, Inch'Allah. Donc, il y a dans un livre que j'ai trouvé qui s'appelle Ziyarat al-Qubur al-Shar'iyya wa al-Shirkiyya. Ça veut dire la visite des cimetières ou des tombeaux ou des tombes entre la visite légale et la visite des idolâtres ou ce fond qui représente une forme d'idolâtrie. C'est un livre qui avait été écrit par le chef Muhyiddin al-Baruqi al-Hanafi qui est mort en 981 Hijri. Il a écrit ce livre, c'est très intéressant. Je l'ai lu il y a un bon temps, donc ça me fait en même temps un rappel, Inch'Allah. Cheikh dit, « ومنها أن الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والانتعاض والاعتبار بحال المزور والإحسان إليه بالدعاء له والترحم عليه حتى يكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت. فقلب هؤلاء الأمر وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاؤه وسؤاله الحوائج واستنزاله البركات منه ونحو ذلك فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت فإنه عليه الصلاة والسلام فإنه عليه السلام لسد ذريعة الشرك نهى أصحابه في أوائل الإسلام عن زيارة القبور لكونهم حديث عهد بالكفر. ثم لما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها وبين فائدتها وعلمهم كيفيتها تارة بقوله وتارة بفعله، وذلك في الأحاديث الكثيرة، لكن نذكر منها عدة منها في الإذن وبعضها في التعليم وفي ضمنها بيان الفائدة. Donc le cheikh il explique ici, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a permis de visiter les tombeaux ou les cimetières dans le but de se rappeler de l'au-delà. Parce que lorsqu'on va au cimetière, on se sent plus près de la mort, on pense à ceux qui ont vécu avant nous et qui sont décédés et qui ont passé donc, et ça nous fait rappeler que nous aussi on va les rejoindre, d'accord. Et donc ceux-là qui ont vécu, qui ont peuplé la terre avant nous et qui sont morts aujourd'hui, eh bien, un jour, il va arriver un jour où ces gens-là, nous aussi, on va aller les rejoindre. Alors, c'est ça un des buts et un des profits de visiter les cimetières. Alors, le cheikh dit, et lorsque on fait ça, et on demande à Allah d'avoir de la miséricorde pour ces gens-là qui sont morts, et on demande de les pardonner et d'être miséricordieux envers eux. Donc en faisant ça, on fait un bien pour nous-mêmes, parce que c'est une bonne action, et on fait du bien à la personne qui est morte, en invoquant à Allah subhanahu wa ta'ala et en lui demandant la miséricorde pour lui. D'accord ? Mais qu'est-ce que les gens dont on a parlé la dernière fois, les adorateurs des idoles ou des tombes, eh bien, ces gens-là, ils ont fait le contraire. Ils ont, au lieu de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir une miséricorde sur eux, ils les ont évoqués eux. C'est-à-dire, ils ont évoqué ces gens-là qui sont morts. Et ils leur ont demandé des choses, de satisfaire leurs besoins ou quoi que ce soit, et de leur donner une sorte de bénédiction. Alors, en faisant ça, ils ont fait du mal à eux-mêmes et du mal à la personne qui est décédée. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le but de fermer la porte à toute forme d'idolâtrie, il a interdit à ses compagnons de visiter les cimetières au tout début de l'islam. Et par la suite, lorsque le tawhid, c'est-à-dire le monothéisme ou l'unicité d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a été très fermement ancré dans leur cœur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a permis ensuite de visiter les cimetières par la suite, mais en même temps il leur a montré comment faire pour le faire, de quelle façon on doit le faire, et puis il l'a expliqué en parole et il l'a expliqué aussi par ses gestes. Et ça se retrouve dans beaucoup de hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le cheikh dit, nous allons en mentionner quelques-uns dans le but de nous expliquer la permission de visiter les cimetières et d'autres dans le but de nous expliquer comment le faire. Et donc, aussi nous expliquer c'est quoi le profit ou le bénéfice de faire une telle chose. Le cheikh dit, أما التي في الإذن فمنها حديث أبي سعيد أنه عليه السلام قال إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. رواه الإمام أحمد والنسائي ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكر الموت. رواه مسلم. دخل الشيخ إلى مقام دو حديث. Le premier حديث dans lequel qui est rapporté par Abu Sa'id qui dit je vous avais interdit. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. je vous avais interdit préalablement de visiter les cimetières. Il dit, maintenant je vous permets de les visiter, alors visitez-les. Et là il dit parce que cela vous rappelle, cela vous donne un rappel de la mort. Ceux qui font par exemple aujourd'hui des, on appelle des ziyaras, je ne sais pas comment vous appelez, comment des visites, ziyaras c'est le terme visite, voilà, mais ça se fait annuellement, ça se fait très longtemps, et puis chaque jour de l'année, ben, supposons qu'on dit qu'il y a ou on dit tout, ben, chaque année à cette date, il y a tout le monde qui visite les différentes régions pour venir là. Visiter, mais souvent quand ils font ça, c'est souvent pour aller visiter une tombe en particulier, au certain temps. Oui, ça, c'est ce qu'elles appellent un mawsim. C'est en fait une forme de hajj qu'ils font pour aller visiter un temple, un tombeau à une certaine période de l'année. Ils se rassemblent et justement, ils font ce qu'on a décrit la semaine passée. Tout ça, c'est interdit. Tout ça, c'est une bid'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on va l'expliquer, il nous a permis d'aller visiter les cimetières pour demander à Allah la miséricorde pour ces gens-là. Mais il ne nous a pas dit en même temps prenez un jour spécifique pour aller visiter la tombe de quelqu'un, la tombe d'un mort en particulier. Par exemple, le tel jour du mois de décembre, à chaque année vous devez aller visiter la tombe de telle personne. Et puis vous devez aller tous en groupe de tous les endroits. En fait, ça, c'est une forme d'innovation qui a été inventée, qui ne fait pas l'islam. C'est ça, on va l'expliquer aussi, Inch'Allah. Donc, le chef, il a dit que le hadith qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous ai interdit de visiter les tombes, alors maintenant, celui qui veut y aller, il le fasse. Dans une version qui est écrite, « فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةٌ » Ça veut dire qu'il y a dans ça une sorte de leçon, quand il va visiter le cimetière, il y a une leçon, c'est-à-dire qu'il se rappelle de la mort. Et dans un autre hadith, c'est écrit visitez le cimetière ou les tombeaux parce que ça vous rappelle de la mort. Ça, c'est rapporté par Muslim. Donc, on voit clairement dans ça que, au tout début de l'islam, étant donné que les Sahaba étaient nouveaux dans la religion, et ils avaient aussi des idées peut-être encore des croyances pré-islamiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit au tout début d'aller dans les cimetières. Justement pour pas qu'ils confondent entre qu'est-ce qu'ils faisaient avant l'islam et qu'est-ce qu'ils font maintenant dans la religion de l'islam. Mais plus tard après, lorsque les sahaba ont bien compris la signification de la ilaha illallah et ils ont bien compris les implications du tawhid, alors, à ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, maintenant, celui qui veut aller visiter les cimetières, il peut y aller. Hein? Parce que ça vous rappelle de la mort. Après, il a mentionné d'autres hadiths qui nous enseignent la méthode, comment aller visiter les cimetières et qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on y va. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a apporté, et ça, c'est, je vais le lire pour ce que le chef a dit, il dit, أما التي فيها التعليم فمنها حديث سليمان بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام على أهل الديار وفي لفظ مسلم السلام عليكم يا أهل الديار المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ونسأل الله لنا ولكم العافية. Ça c'est un des du'as que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné quand on va visiter les cimetières. Il a dit que le prophète, un des sahabas qui s'appelle Sulayman ibn Buraïda, il a dit, selon son père, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam enseignait aux sahabas lorsqu'ils sortaient au cimetière de dire As-salamu ala ahli diyar, que la paix soit sur les gens de ces maisons, c'est-à-dire des cimetières. Les croyants et les musulmans, al-mu'minin wal-muslimin. Wa inna insha'Allah bikum lahiqun. Et nous aussi, nous allons vous rejoindre, insha'Allah. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous et pour vous, la miséricorde ou bien la. Oui, quelque chose dans le sens de la miséricorde, le pardon ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est la façon d'invoquer pour les morts, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour les morts la miséricorde, pour nous et pour les morts, et de les saluer. Hein. Mais il n'y a pas dans cette invocation-là quoi que ce soit de choses qui nous demandent de demander aux morts quoi que ce soit, de leur demander des choses au lieu de demander à Allah. Jamais. Le prophète nous a toujours enseigné qu'on doit demander uniquement à Allah quand on a besoin de quelque chose. Dans un autre hadith aussi, une autre version de ce hadith, celui que j'ai mentionné, c'était celui de Muslim. Il a dit, « ومنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلتي منه يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين أتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع غرقا. Donc ça aussi c'est rapporté par Muslim et c'est presque la même signification de ce que l'autre du'a avait expliqué aussi. Et une autre selon Ibn Abbas qui mentionne à peu près la même chose. السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر وحسوك عن الإمام أحمد أي الترمذي. Donc ça aussi ça dit assalamu alaikum aux habitants du temps, que Allah vous pardonne à nous et à vous, et vous nous avez précédés et nous vous suivrons, et nous vous suivrons, ou nous sommes à la suite. Bien, Harry, il ne faut pas crier, d'accord? Non. فإنه صلى الله عليه وسلم بين في هذه الأحاديث أن فائدة زيارة القبور إحسان الزائر إلى نفسه وإلى الميت. أما إحسانه إلى نفسه فبفكر الموت والآخرة والزهد في الدنيا والاتعاظ والاعتبار بحال الميت. وأما إحسانه إلى الميت فبالسلام عليه والدعاء له بالرحمة والمغفرة وسؤال العافية. Donc le cheikh il dit, donc les enfants allez jouer là-bas, en bas, d'accord? Non. Donc, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, c'est que dans ses hadiths, il nous a enseigné à quoi sert la visite des soutiens. C'est de faire du bien à soi-même et de faire du bien à la personne qui est morte. Et la façon dont on se fait du bien à nous-mêmes, c'est en se rappelant de la mort et en se rappelant de l'après-vie, qu'est-ce qu'il y a après la mort, le paradis, l'enfer et tout ça. Quand on y pense, ça nous rappelle, ça nous fait réfléchir sur la vie éphémère qu'on est en train de vivre et de voir qu'elle a peu de valeur, qu'elle est courte. Et donc, on doit profiter du temps qu'on vit sur la terre pour faire le bien, pour faire les bonnes œuvres, pour accepter de se rapprocher d'Allah, dans le but d'atteindre sa récompense du paradis. Et puis, on fait du bien aux morts aussi, eh ben, c'est en le saluant, en leur saluant et en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala la miséricorde et le pardon pour eux, comme on a dit tout à l'heure. Le chef dit, فينبغي لمن يزور قبر ميت أو أي ميت كان سواء كان من أولياء الله تعالى أو من غيرهم من المؤمنين أن يسلم عليه ويسأل له العافية ويستغفر له ويترحم عليه ويترحم عليه كما تقدم في الأحاديث. ثم يعتبر في حال من زاره وما سار إليه حاله، فماذا سئل عنه وبماذا أجاب، وهل كان قبره روضة من رياض الجنة أو حفرة من النيران. ثم يجعل نفسه كأنه مات ودخل في القبر وذهب عنه ماله وأهله وولده ومعارفه، وبقي وحيدا فريدا وهو الآن يسأل فماذا يجيب وما يكون حاله، ويكون مشغولا بهذا الاعتبار ما دام هناك، ويتعلق بمولاه في الخلاص من هذه الأمور الخطيرة العظيمة ويلجأ إليه. Donc le cheikh il dit, il est important pour la personne qui visite la tombe de mort, et peu importe qui ce mort est, qu'il soit, peu importe que ce soit la tombe ou le cimetière où il y a un wali, un saint, ou un musulman quelconque, c'est pas important que ce soit la tombe d'un prophète ou d'un saint ou de quiconque. Le cheikh il dit, peu importe que ce soit la tombe de n'importe quel des croyants, lorsqu'on le visite, on demande la miséricorde et le pardon pour lui, comme on a mentionné dans les hadiths, et on réfléchit sur sa situation. On réfléchit sur son état dans sa tombe. Et on réfléchit sur les questions qui lui seront posées. On sait qu'il y a deux anges qui viennent à la personne qui meurt dans la tombe. Et c'est Munkar wa Nakir. Et ces deux anges, ils demandent trois questions à la personne qui est enterrée. La première question, qui est ton Seigneur? Man Rabbuk. Qui est ton Seigneur? La deuxième question, Madinu. Quelle est ta religion? Et la troisième question, Man Nabiyu. Qui est ton messager ou qui est ton prophète? Et ça, c'est les trois questions qui seront posées à une personne dans la tombe. Donc, on réfléchit à ces trois questions quand on va visiter le cimetière. On pense à ces trois questions-là. Et on pense aussi à qu'est-ce que la personne a répondu. Et la personne qui n'a pas les bonnes réponses à ces questions, on sait qu'il sera châtié. Et donc, après, il dit, est-ce que sa tombe était devenue pour lui comme un des jardins du paradis, ou bien comme un trou de l'enfer, une fournaise de l'enfer. Parce qu'on sait que la personne qui a cru en Allah, qui a été droit sur le droit chemin, sa tombe sera pour lui comme un paradis, un jardin qu'il a, et elle sera élargie pour lui. Et celui qui n'a pas cru en Allah, qui a été non-croyant, alors celui-là, sa tombe sera rétrécie sur lui, et elle va l'écraser, et elle sera comme un feu d'enfer. Il y aura des flammes autour, donc il a dit, et il se met à la place de cette personne qui est morte, comme si c'était lui qui était mort. Donc quand tu vas à la tombe, tu vas visiter les cimetières, tu te mets à la place des morts, tu te mets à leur place et tu t'imagines que c'était toi qui étais là dans la tombe. Hein? Et là tu dis, tu t'imagines que c'est toi qui es rentré dans la tombe et que tu as plus d'argent, plus de famille, plus d'enfants, plus de personnes, plus d'amis, rien, tu es toute seule dans ta tombe. Et là, les anges arrivent pour te questionner. Qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que sera ta situation? Comment tu vas être? Est-ce que tu vas être dans une bonne situation ou dans une mauvaise situation? Et donc, tu occupes ton esprit avec ces réflexions-là et tu penses à Allah subhanahu wa ta'ala, ton Seigneur, et tu réfléchis à ces questions qui sont sérieuses et qui sont très, très dangereuse pour nous, fondamentale. Alors, ça c'est l'attitude du croyant quand il va visiter les cimetières. Hein? Et le cheikh il dit, أما قراءة القرآن يقول تجاوز بعض العلماء ومنعها البعض الآخر فقالوا الزائر لا بد أن يكون مشغولا بالاعتبار وقراءة القرآن يحتاج صاحبها إلى التدبر وإحضار الفكرة فيما يتلوه وفكرتان لا تجتمعان في قلب واحد وفي زمان واحد فإن قال قائل أنا أعتذر في وقت وأقرأ في وقت آخر والقرآن إذا قرأ تنزل رحمة فلعل أن يلحق بالميت من تلك الرحمة شيئا ينفعه فالجواب من وجوه الأول إذا قرأت القرآن أو إن قرأت القرآن وإن كانت عبادة لكن لكون الزائر مشغولا بما تقدم من الفكرة والاعتبار في حال الموت وسؤال الملكين وغير ذلك عبادة أيضا والوقت ليس محلا إلا لهذه العبادة فقط ولا يخرج من عبادة إلى آخر سيما لأجل الغير والثاني أنه لو قرأ في بيته وأهدى ثوابه إليه بأن قال بعد فراغه من قراءته اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان الميت لوصل إليه لأن هذا دعاء له بوصول الثواب إليه والدعاء يصل بلا خلاف فلا يحتاج أن يقرأ على قبره والثالث إن قراءته على قبره قد تكون سببا لعذابه أو لزيارة عذابه وإذا كلما قرأت آية لم يعمل بها يقال له أما سمعتها فكيف خالفتها فيعذب لأجل مخالفته لها كما نقل عن بعض من ابتلي إلى بما ذكر أنه روي في عذاب عظيم فقيل له أما تنفعك القراءة عنك ليلا ونهارا فقال إنها سبب لزيادة عذاب وذكر ما تقدم فوائد فإذا كان كذلك فاللائق بالزائر أن يتبع السنة فيقف عندما شرع له ولا يتعداه ليكون محسنا إلى نفسه وإلى الميت فإن زيارة القبور نوعان زيارة شرعية وزيارة بدعية Donc qu'est-ce qu'il fait le cheikh il parle à propos de la lecture du Coran dans le cimetière il y a certaines personnes qui ont permis à des gens de lire le Coran dans le cimetière et il y a d'autres qui l'ont interdit et il a dit c'est préférable, quand tu vas visiter le cimetière, de t'occuper seulement de la réflexion de l'au-delà et de penser à la mort, plutôt que de lire le Coran. Il dit, parce que tu ne peux pas te concentrer sur deux choses en même temps. Tu ne peux pas te concentrer sur le Coran et te concentrer en même temps sur de la réflexion de la mort et l'au-delà. Et le cheikh a dit, donc, c'est mieux de se consacrer à une chose à la fois. Et il a dit, peut-être que quelqu'un peut faire se consacrer sur la mort et la réflexion et à un autre moment lire le Coran. Alors le cheikh il a mentionné que, parce que par exemple quelqu'un peut dire ça c'est une adoration, et lire le Coran c'est une adoration. Et donc le cheikh a dit oui, lire le Coran c'est une adoration, et aussi penser à la mort et réfléchir aux questions de Al-Munkar wa Nakir et ces choses-là sont aussi une adoration. Alors, dans ce cas-là, il est préférable de faire précéder une adoration qui était ordonnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam plutôt qu'une autre. Après, il a mentionné un point. Lequel il a dit, si quelqu'un par exemple lit le Coran dans sa maison et il offre la récompense de sa lecture à la personne qui est morte, cette récompense allait la terre. Il a dit, il n'y a pas de différence là-dessus. Mais là-dessus, on avait parlé la dernière fois, au sujet des gens qui se rassemblent après la mort de quelqu'un et qui chacun d'entre eux lit une partie du Coran et à la fin ils donnent la récompense à la personne qui est morte. Et on avait expliqué que certains, quand les gens se rassemblent comme ça pour lire le Coran à chaque fois que quelqu'un est mort, ce n'était pas dans la sunna de personne. Donc lui il a mentionné ce point là, mais moi je vois qu'il n'a pas mentionné aucune référence. Alors à ce point là je vais passer dessus comme ça. Et après il a dit, il se pourrait même que la lecture du Coran à sa tombe serait une cause même de l'augmentation de son châtiment si il est une personne qui a fait des péchés. Parce qu'à chaque fois qu'on lui lirait un verset qu'il n'a pas appliqué, les anges lui diraient, ne l'avais-tu pas entendu? Ne l'avais-tu pas entendu? Alors à chaque fois, ce serait une cause pour l'augmentation de son châtiment. Il a dit, c'est donc préférable pour la personne qui veut visiter le cimetière de respecter et de suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il ne dépasse pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné pour qu'il soit bon envers lui-même et bon envers la personne qui est morte, car il y a deux formes de visite des cimetières, une qui est légale et une qui est bid'a, c'est-à-dire qui est innovation. Le chef dit, أما الزيارة الشرعية التي أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمقصود منها شيئان، أحدهما راجع إلى الزائر وهو الاعتبار والاستيعاب، والثاني راجع إلى الميت وهو أن يسلم عليه الزائر ويدعو له ولا يطول عهده به فيهجره ويتماساه، كما أنه إذا ترك زيارة أحد من الأحياء ويتنساه، وإذا زاره فرح بزيارته وسر بذلك فالميت أولى به لأنه قد صار في دار هجر أو هجر أهلها إخوانهم ومعارفهم، فإذا زاره أحد وأهدى إليه هدية من كلام ودعاء ازداد بذلك سروره وفرحه. Donc il dit, il a répété encore qu'est-ce qu'on avait expliqué tout à l'heure, que le but de la visite légale des cimetières, c'est celle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a permis, c'est pour deux buts, deux intentions ou deux points qui sont très clairs. Le premier qui concerne la personne qui fait la visite, c'est de réfléchir et de penser à la mort. Et en ce qui concerne le deuxième point, c'est le bien qui revient à la personne qui est morte, c'est-à-dire de saluer la personne et de faire des douas pour qu'Allah soit miséricordieux et pour qu'il pardonne cette personne. Et en même temps, c'est une forme de joie pour la personne qui est décédée parce que elle est morte et elle est seule. Donc quand on la visite, c'est comme si on visitait un de nos frères qui est encore vivant. Ça lui fait toujours plaisir. Pour un mort, il n'y a pas de doua qu'on peut faire après. Pour quelqu'un qui est mort, il n'y a pas de doua. Oui, le doua, j'en ai mentionné quelques exemples tout à l'heure. C'est comme par exemple le doua qui dit Assalamu alaykum, ya ahl al-qubur, yaghfir Allah lana wa lakum, antum salafuna wa nahnu bil athar. Ou des choses comme ça. Ça, c'est des exemples de du'a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand je finis le Coran, j'utilise le Coran pour le moment où une pierre, est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? En fait, tout comme le chef a expliqué ça, c'est quelque chose de mauvais qu'on doit. Donc, c'est une innovation mais... En fait, oui, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faisait pas ça. Il n'a pas enseigné non plus aux sahaba de faire ça. Hein? Donc, le mieux, c'est de laisser ça. Étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas permis de faire une chose comme ça. Et ensuite, il explique qu'est-ce qui se passe dans les gens qui contredisent la sunna lorsqu'ils vont visiter les cimetières, qu'est-ce qu'ils font. Et bien, étant donné qu'on en a déjà parlé, je ne sais pas si est-ce que vous pensez que vous voulez qu'on en parle encore. Ou bien on passe à autre chose. Moi, ce que j'avais remarqué, c'est une pratique courante, mais Sénégal que j'ai vu ça. D'accord. De gens qui sont morts, puis dans l'entourage a un bon témoignage. Le plus souvent, ils demandent à ce qu'après la mort, les gens fassent la lecture du Coran. Et puis, parce que faire des prières pour ce monsieur-là. C'est juste après sa mort. Les gens se rassemblent et lisent le Coran. Le plus souvent, c'est pour quelqu'un qu'on témoigne qu'il était bien envers Dieu. Ouais, il priait, c'est la prière. Non, mais en fait, ça, c'est pas seulement comme on avait expliqué de faire ça. C'est une chose que les gens font, c'est depuis maintenant une sorte de, même presque une habitude. Les gens, quand quelqu'un meurt, on se rassemble, même parfois, il y en a qui le font même à la mosquée. Chaque personne prend une partie du Coran et puis commence à réciter ça. Et puis après, ils s'en vont. Mais ça, c'est pas dans la journée de tout ça. Les gens le font, c'est devenu comme une sorte de coutume. Mais en fait, c'est. Il n'y a pas de référence de ça dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, étant donné que demain on va parler de l'autre du sujet encore, je pense que. Je le mentionne aussi. Moi, ce que je voulais faire, je voulais plus comment expliquer un autre le faire autre chose. Ouais, d'accord. Donc, il y a un message qui a été écrit par Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, qui parle des arguments, ou la réfutation des arguments des gens qui adorent autre que Allah et qui croient que ça c'est je veux bien dans le faire de faire ça dans l'islam. Donc le chef il a écrit une ritala qui s'appelle Cache pour Chebouhad. Et c'est une ritala qui est très intéressante parce que il réfute d'une façon très simple les arguments de ces gens-là qui adore les morts, qui invoque les morts, ou qui demande l'intercession des morts, dans le but, d'une façon qui est contraire à l'islam. Et donc, je pense que c'est une bonne chose de l'étudier. La façon dont il est très bien fait l'explication, c'est parce que il explique en premier le terme de ce style, après, il donne une explication courte, et après, qu'est-ce qu'il fait? À la fin de chaque section, il y a des questions pour voir si la personne a bien compris le sujet. Donc, on pourrait faire ça. Et puis, on peut commencer même aujourd'hui. On lit ensemble. Ouais, on lit, puis on discute de ça ensemble. Et puis après, mais aujourd'hui, on va juste comme peut-être en arabe. Même pas le temps de faire une traduction, mais. Et nous, on n'a pas commencé à faire ça. Mais j'ai une question. Par exemple, ceux qui voulaient faire droit pour la mort, s'ils font ça dans la cimetière, vous faites chez eux, c'est la même. Mais c'est sûr qu'on peut le faire même à la maison. C'est ça, d'accord. D'accord. Mais c'est sûr qu'à la cimetière, c'est encore plus significatif. Parce que quand tu peux t'asseoir chez toi, et réfléchir à la mort, d'accord? Non, je ne suis pas pour nous réfléchir, mais je ne suis pas pour nous réfléchir, ouais, juste pour nous en baraka. Non, si tu peux, par exemple, le demander à, par exemple, quand tu vas évoquer, tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner une personne qui est morte, un musulman, tu lui demandes à Allah d'être miséricordieux envers lui, d'accord? Ça, tu peux le faire chez toi, d'accord? Ouais, partout, c'est la même. Partout, ouais. C'est pas obligé de le faire seulement au tombe, à la tombe. Mais quand tu vas aller au cimetière, c'est encore plus fort parce que tu vas réfléchir en même temps à la mort, tu vas te rappeler de l'au-delà, et ça va te rendre encore plus, peut-être, plus concentré dans ton invocation, et peut-être plus sincère aussi dans ton invocation. Et donc, plus propice que Allah se réponde et exauce sa demande ou exauce la. Et pardonne la personne. Bien entendu, c'est pas permis d'invoquer Allah pour demander de pardonner une personne qui est non musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé à Allah de lui permettre de prier pour sa mère et de demander à la miséricorde pour sa mère et il l'a refusé. Allah a refusé donc. Oui, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une question que beaucoup de gens se posent. La question c'est est-ce que avant que le prophète n'arrive, est-ce que la mère du prophète, parce que avant qu'il arrive, est-ce qu'elle est morte en mécroyant ou elle est morte en tant que croyant? Parce que Jésus est venu pour les Israéliens, il n'y avait pas de prophète dans ce temps-là. Comment ça va se passer? Mais quand même, il y avait quand même le message de. D'Ibrahim qui était resté, et puis il y avait ce qu'on appelait Al-Hunafa qui n'était pas. Qui avait rejeté l'adoration des idoles, malgré qu'il n'était pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas encore venu, mais il n'y avait pas, il ne faisait pas l'idolâtrie, ce genre-là. C'était Al-Hunafa. Donc, il pratiquait la religion d'Ibrahim. Ça ne marche pas, hein? Il marchait avant? Non, parce que lui, il a ouvert et après, on pensait qu'il a fonctionné là-bas. Parce que c'est parce qu'il y a des stars là-bas qui écoutent. Et si le micro n'est pas ouvert, elles ne peuvent pas entendre. Mais tantôt, tu dis ça fonctionne. Je pensais que ça fonctionnait, je sais pas. Dis-moi une chose. Parce qu'il n'est pas fort. Lentement. Ouais, le volume n'est pas tellement fort. Donc c'est ça. Comme j'expliquais pour les gens qui sont morts, comme par exemple, même Ibrahim, alayhi salam, son père, il était un kafir. Et il n'avait pas le droit d'invoquer le pardon pour son père. Ça a été clarifié, même expliqué dans le Coran très bien. Mais par contre, il peut, il va pour réduire le chat. Allahu A'lam. C'est après l'Adam. Mais si quelqu'un n'est pas mort encore, il n'est pas musulman, tu peux demander à Allah de le guider. Non, mais pas l'élément. Si quelqu'un est déjà mort, tu ne peux pas demander le pardon pour lui. Non, pas pardon, mais le réduit. Peut-être que tu es déjà mort, Allah wa Alain. Ismaïl, comment il s'appelle? Bukhari. L'imam Bukhari? Oui.